الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Ayo l'ikhwatu l'kiram, le fait également d'égorger pour autre qu'Allah Jalla wa Ala. Au niveau de cette affaire, ayo l'ikhwa, al-shaytan peut tromper certaines personnes par rapport à ce cas et cette affaire. Car certaines personnes nous disent, et moi lorsque j'égorge auprès de la tombe de quelqu'un, j'égorge pour Allah Jalla wa Ala, non pour cette personne. Et pourquoi? Lorsque tu lui demandes pourquoi, il te dit « Parce que je trouve à cet endroit des pauvres et des nécessiteux, et alors je leur donne de la viande de cette bête. » Mais ceci est une excuse, ayol ikhwa, qui n'est pas acceptée par Allah, jalla wa ala. Ceci est une excuse caduque et non valable, ayol ikhwa tul kiram. Car le fait d'égorger, même si c'est pour Allah, jalla wa ala, dans cette situation, il n'est pas du tout autorisé d'égorger dans un endroit dans lequel on associe quelqu'un à Allah, jalla wa ala. Et la preuve est tirée du hadith, rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses sunan avec une chaîne de transmission authentique, selon les conditions d'al-imam al-Bukhari ou al-imam muslim, selon Thabit ibn Dahak, radiyallahu anhu. Celui-ci nous dit, un homme, un jour, a fait un vœu d'égorger un chameau dans l'endroit de Bouwana, un endroit dans le sud de Mecca. Et alors il questionna le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit alors, y avait-il une divinité à l'époque de l'ignorance al-jahiliya qui était adorée à cet endroit? Et alors il répondit non. Il lui dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, y avait-il une fête que les gens fêtaient à cet endroit? Et alors il répondit non. Et alors il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, exécute alors ton vœu, car il n'y a pas de vœu qui doit être accompli dans la désobéissance d'Allah, ni dans ce que ne possède pas le fils de Adam. Ainsi ne fait de vœux que pour Allah. Et n'égorge que pour Allah, Jalla wa Ala. Parmi ce qui rentre également dans l'association majeure, Ashirkul Akbar ayol ikhwa, le fait d'invoquer autre qu'Allah, Jalla wa Ala, comme demander secours aux morts, al-amwat, demander secours aux vertueux, al-salihin, car beaucoup de gens malheureusement, et beaucoup de femmes et de vieilles femmes de nos jours, vont dans les cimetières, al-maqbara, et demandent secours auprès de leurs habitants, les habitants des tombes, et elles disent, ya Sidi Fulan, ô toi, la personne, secours-moi, arifni, donne-moi et aide-moi et enlève mes soucis et donne-moi ceci. Et il leur demande même des enfants, wa l'ayadu billah. Et elle leur demande ce qui n'est autorisé que de demander à Allah, jalla wa ala. Allah nous dit, wa iyamsaskallahu bidur, fala kashifa lahu illahu. Wa iyamsaska bi khayrin, fahuwa ala kulli shay'in qadir. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne pourra l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, il est certes capable de toute chose. Et Allah nous dit également, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et certes, si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Ainsi, ceux qui sont allés auprès des morts, al-amwat, et leur demandent secours et leur demandent de l'aide, et les invoquent en dehors du vivant, qui ne meurent pas, tabaraka wa ta'ala, sont des associateurs mushrikoun, et font partie également, et commettent des actes qui font partie de l'association majeure Ashirkul Akbar, et leur cas et leur affaire, ayol ikhwa, est ainsi identique à Abu Jahlin wa Abu Lahab wa li'ayadu billah. Pourquoi? Car Abu Jahlin wa Abu Lahab et d'autres parmi les mécréants de Mecca ont placé des statues et ont placé des divinités entre eux et Allah Jalla wa Ala, comme intercesseurs, comme Allah Jalla wa Ala nous dit, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Que nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Voilà comment pensaient les associateurs d'autrefois de Quraysh. Ils avaient ainsi interposé entre Allah et eux des divinités. Et ils pensaient qu'ils leur permettaient de se rapprocher d'Allah Jalla wa Ala. Et ainsi celui qui demande à ce wali, qui demande à ce vertueux, qui demande à ce mort, et qui invoque ce mort en dehors d'Allah Jalla wa Ala, même si c'est en pensant qu'il se rapproche d'Allah Jalla wa Ala, rentre dans l'association majeure à Shirkul Akbar. Et en vérité, cela ne fait que l'éloigner d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ceux ainsi qui sont allés auprès des morts al-amwat, et ceux qui sont allés comme ils prétendent auprès des tombes des vertueux, ils ont placé cela entre eux et Allah comme intercesseur. Ceci est purement Ash-Shirkul Akbar, l'association majeure. Et nous ne savons pas, ayyuhal ikhwatul kiram, malheureusement, où est le rôle des savants al-ulama, où est le rôle des prêcheurs à Allah Jalla wa Ala. Pourquoi ne blâme-t-il pas les musulmans al-muslimoun pour ce grand crime et ce grand péché et cette énorme injustice? Car lorsque quelqu'un de pieux meurt parmi eux, on entend après la mosquée de Sidi Hussein, et la mosquée de Sayyida Zainab, et la mosquée d'un tel, et ceci fait partie de l'association majeure Shirkul Akbar, et du péché qui n'est pas pardonné par Allah Jalla wa Ala, et cela ignore que leur prière dans ces mosquées n'est pas valable et pas acceptée. Et la preuve est tirée, ayol ikhwatul kiram, de ce que rapporte l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim, selon Aïchata radiallahu anha. Celle-ci nous dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont placé sur leur tombe de leur prophète des mosquées et ils l'avertissaient de ce qu'ils faisaient. Et dans une version de l'imam ou muslim, selon Jundub radiallahu anhu, le messager d'Allah et alayhi salatu wa salam a dit, ne placez sur les tombes des mosquées, ne placez pas sur les tombes des mosquées, je vous interdis cela. Et dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari selon Aïcha radiallahu anha, celle-ci nous dit, un jour Salama a cité au messager d'Allah et alayhi salatu wa salam, une église qu'elle a vue au Soudan, dans la terre d'El-Habasha, en Éthiopie. Et ce qu'elle contenait comme dessin, car les églises contiennent des dessins. Et alors le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, « Ya Salama, ces gens-là, lorsqu'un homme vertueux ou un serviteur pieux parmi eux mourait, ils construisaient sur lui une mosquée. Et ils dessinaient à l'intérieur des dessins. Cela, nous dit le prophète, alayhi salatu wassalam, cela sont les pires des créatures auprès d'Allah, jalla wa ala. » Alors, ayyuha al-muslimoun, ô vous les musulmans, ittaqullaha tabaraka wa ta'ala, craignez Allah jalla wa ala, et délaissez l'adoration des tombes al-qubur, ô toi la femme et ô toi la vieille femme, cette voix te vient quel que soit le lieu où tu vis sur la terre d'Allah jalla wa ala, ittaqi Allah, crains Allah, et sache que si tu invoques les tombes al-qubur, et si tu pars auprès des rapprochés al-awliya, tu es ainsi une associatrice mushrika. Parmi l'association majeure Ash-Shirkul Akbar, si tu ne te repentis pas, Allah Jalla wa Ala, tu demeureras et tu resteras internellement en enfer al-Nar, wal-Iyadu Billah. Na'am. Ce qui rentre également dans l'association majeure Ash-Shirkul Akbar, vous avez entendu certes les preuves et écouté certains versets. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, Inna Allah yusmi'u man yasha, wa ma anta bi musmi'in man fil qubur. Allah fait entendre ce qu'il veut, alors que toi, Mohammed, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux, al-qubur. Et Allah nous dit également, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien, et ils sont eux-mêmes créés. Ils sont morts et non pas vivants, et ils ne savent même pas alors quand est-ce qu'ils seront ressuscités. Allah Jalla wa Ala nous dit, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras certes du nombre des injustes. Ce qui rentre également dans l'association majeure Ash-Shirkul Akbar ayyuhal ikhwa, et dans le péché qui n'est pas pardonné par Allah Jalla wa Ala, le fait d'aimer quelque chose ou quelqu'un plus qu'Allah Jalla wa Ala. Le fait d'aimer son Seigneur et son Créateur Tabaraka wa Ta'ala, le fait d'aimer quelque chose ou quelqu'un, plus que son Seigneur et son Créateur Jalla wa Ala. Allah nous dit dans Sourate Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et parmi des hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents dans l'amour d'Allah. C'est-à-dire, les croyants aiment encore plus Allah. Ce qui rentre également dans l'association majeure, Ash-Shirkul Akbar, ayyuhal ikhwatul kiram, la peur spirituelle. Comme le fait d'avoir peur des morts, al-mawta. Cela ne provient que du diable, shaytan. Écoutez ce que nous dit Allah, jalla wa ala. Innama dhalikumu shaytanu yukhawifu awliya'ah فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Tel est le diable, le shaytan, qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez point donc peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes certes des croyants. Et ceci fait partie ainsi des actions des associateurs al-mushrikoun et de leurs croyances. Allah nous dit, أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien? Et ils te font peur avec ceux qui est en dehors d'Allah. Et quiconque Allah égare n'aura certes point de guide. Combien de musulmans, lorsqu'il leur arrive un mal, lorsqu'il leur arrive une catastrophe, que disent-ils? Ils disent, c'est Sidi Foulen qui m'a fait ce mal. C'est cette personne qui m'a engendré ce mal. Car je n'ai pas exécuté mon vœu, car je n'ai pas égorgé pour lui, car je ne l'ai pas visité ce mois-ci ou cette semaine, car je n'ai pas juré par lui, car je n'ai pas sorti pour lui des bougies et des offrandes, wal'iyadhu billah. Et peut-être que certaines personnes qui écoutent ces discours entendent cela pour la première fois. Et ils se disent, si ce qu'il dit est vrai, mais il y a des millions de musulmans qui sont associataires dans l'association majeure Ash-Shirkul Akbar. Eh bien malheureusement la réponse est oui, ayyuhal ikhwa wa rabbil Kaaba. Écoutez ce que nous dit Allah Jalla wa Ala. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Malheureusement, de nos jours et à toute époque, ayyuhal ikhwa, les gens adorent Allah Jalla wa Ala et croient leur porter, lui porter une véritable croyance. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également, la taqoumu as-sa'a, l'heure du jugement dernier ne se lèvera pas avant que des groupes de ma communauté rejoignent les associateurs afin d'adorer les statues al-asnam. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique authentifiée par Sheikh al-Albani dans son livre Sahih al-Jami' selon Thawban radiyallahu anhu. Ainsi, il n'est pas autorisé que d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Et certains reprochent et blâment ceux qui disent ce genre de discours que nous venons de dire en disant tais-toi, ou bien Sidi Foulen, attention, Sidi Foulen se vengera. N'as-tu pas vu un tel qui a fait un accident de voiture? Il lui est arrivé une telle catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il a parlé sur un tel, ou bien parce qu'il n'a pas égorgé pour un tel, et il a dit j'irai égorger pour un tel, et il ne l'a pas fait. Cela, ayyuhal ikhwatul kiram, tout cela rentre dans l'association majeure Ash-Shirkul Akbar. Wal'iyadhu billah. Et sachez également, ayyuhal ikhwatul kiram, que le bien et le mal n'est autre qu'entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, celui qui fait le bien n'est autre qu'Allah. Et celui qui veut que le mal se passe n'est autre qu'Allah, Jalla wa Ala. Ainsi, celui à qui on doit faire un vœu n'est qu'Allah, Jalla wa Ala. Et celui pour qui on doit égorger n'est qu'Allah uniquement. Et celui vers la maison duquel on doit se tourner n'est qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et celui à qui on doit demander le secours et chercher le refuge n'est qu'Allah, al-Wahid al-Ahad. Celui à qui on doit demander de l'aide n'est qu'Allah Jalla wa Ala. Et écoutez ce verset et ces paroles d'Allah Jalla wa Ala, étonnantes et importantes, ayyuhal ikhwatul kiram. Allah nous dit, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Dis à Rasulallah, dis à Muhammad, ô vous les gens, si vous êtes en doute quant à ma religion, moi je n'adore point ce que vous adorez en dehors d'Allah. Mais certes j'adore Allah, celui qui vous fera mourir. Et il m'a été commandé d'être du nombre des croyants. وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Et il m'a été dit, oriente-toi exclusivement sur la religion en pure monothéiste. Et ne sois pas du nombre des associateurs. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et n'invoque point en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire, et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut et ceux qu'il choisit parmi ses serviteurs. Et c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Ayyuhal ikhwatul kiram, et nous terminons par la parole de ce poète, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui nous dit, يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبسل بخير فإن الفارج الله وإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله يحدث بعد العسر ميسرة فلا تجزعن فإن الصانع الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. Le poète nous dit, ô toi qui te fais du souci, certes le souci partira. Annonce-toi la bonne nouvelle, car certes celui qui le fait partir n'est qu'Allah. Et lorsque tu es éprouvé, place ta confiance en Allah et accepte le décret d'Allah. Car certes celui qui enlève les problèmes et les épreuves n'est qu'Allah. Allah ramène la facilité après la difficulté. Ainsi ne t'effraie donc pas, car certes le facilitaire est Allah. Wallah, tu n'as personne en dehors d'Allah. Allah te suffit. Pour toute chose, tu as Allah. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى. Et nous tenons à préciser, أيها الإخوة, que voilà ce que nous avons dit et expliqué et interprété dans la leçon du verset d'Allah جل وعلا lorsqu'Allah nous dit يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Ô mon fils, ne donne point d'associé à Allah. Certes, l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Il nous reste également les propos et les paroles, أيها الإخوة, pour le prochain discours et la semaine prochaine sur الشرك الأصغر. L'association mineure, si Allah nous décrète la vie et la rencontre lors du prochain discours, as'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes qu'il nous fasse mûrir sur la foi at-tawhid et sur l'unicité pure at-tawhid wal-iman et qu'il nous préserve du grand péché qui n'est pas pardonné par Allah tabaraka wa ta'ala, ash-shirku al-akbar, l'association majeure, innahu waliyudhalika wal-qadir alayh, lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Allah et son messager en sont certes innocents, et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'évoquer en bien dans ces grandes assemblées auprès de lui et de préserver de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et d'accorder sa bénédiction à son noble messager ainsi qu'à sa famille, ses bien-aimés, ses compagnons et tous ceux qui l'auront suivi et tous ceux qui auront suivi son chemin jusqu'au jour du jugement dernier et notre dernière invocation. Ayyuhal ikhwatul kiram, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers.